avalanche qui me démange. Je mets dans mon sac à dos mon vieux piano désaccordé et son inséparable tabouret. Je m'installe au milieu du parc et suicidaire j'attaque par du JS Bac. Et l'on me rosse et l'on cabosse. Mon instrument c'est très méchant. Soit je suis mauvais pianiste, mais je vais montrer que je suis un très talentueux violoniste. À mes voisines les ménagères qui sont heureusement beaucoup moins sectaires. Sous leurs fenêtres je fais mes gammes afin qu'elles m'acclament, mais je me rétame. Miséricorde, avec les cordes elle m'étranglait, recès mes gères pour la peine à Noël. Je me suis offert une Fender, une guitare sensationnelle. Pour montrer mes dons fantastiques, je profite de la fête de la musique. Je joue la Belle de Cadix version Jimi Hendrix et provoque une rixe. Il me houspille, puis il bousille ma chère gratte, c'est psychopathe. Ce petit voyou, ce mal élevé.